إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 36 dans l'explication du livre Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Et au dernier cours, on a laissé avec la parole de l'imam Ibn al-Majishun, que l'imam Ibn Taymiyyah a cité, et on a terminé donc cette parole de l'imam Ibn al-Majishun, et à la fin le commentaire de Cheikh Ibn Baz. On a lu le commentaire de Cheikh Ibn Baz, puis le commentaire de Cheikh Ibn Taymiyyah à la fin de la citation de l'imam Ibn al-Majishun. Donc l'imam Ibn Taymiyyah, il dit: وَانْظُرْ كَيْفَ أَثْبَتَ الصِّفَاتِ وَنَفَ عِلْمَ الْكَيْفِيَّةِ مُوَفَقَةً لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَكَيْفَ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ نَفَ الصِّفَاتِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُمْ مِنْ إِثْبَاتِهَا كَذَا وَكَذَا كَمَا تَقُولُهُ الْجَهْمِيَّةُ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ جِسْمًا أَوْ عَرَضًا فَيَكُونُ مُحْدَثًا. Donc il dit: regarde comment il a affirmé les attributs, c'est-à-dire comment l'imam Ibn al-Majishun a affirmé les attributs, et comment il a nié la connaissance du comment de ces attributs, en accord avec les autres des imams, les autres parmi les imams de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et regardez également comment il a condamné et nié condamné ce que les Jahmiya font en niant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en utilisant pour comme argument pour nier les attributs d'Allah des allégations ou des analogies qu'ils font, en disant que l'affirmation des attributs d'Allah implique telle ou telle chose. Comme par exemple, ils disent: si tu affirmes que Allah subhanahu wa ta'ala a par exemple un visage, ou que Allah subhanahu wa ta'ala a une main, ou que Allah subhanahu wa ta'ala parle, ou que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son cieux, au-dessus des cieux, au-dessus du trône, ou que Allah subhanahu wa ta'ala va être vu au jour de la résurrection, ils disent: ça implique que c'est un corps, ou ça implique que c'est un élément incident à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça veut dire que il serait créé dans ce cas-là. Et bien entendu, tout ça c'est des arguments qui sont, ou des analogies qui sont totalement rejetées et faux, puisque d'affirmer les attributs d'Allah, ça n'implique pas du tout ce genre de choses. Peut-être que pour des créatures, pour des êtres humains ou des animaux ou des choses créées par Allah, peut-être que ces choses-là s'appliquent, mais ça ne s'applique pas pour le créateur des cieux et de la terre, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il est tel qu'il s'est décrit lui-même, et il dans tout ce qu'il a mentionné dans le Coran et dans la Sunna comme attribut, il n'y a pas d'imperfection ou d'éléments qui impliqueraient qu'il serait créé ou des choses de ce genre. Donc on va lire, avant de continuer, dans Al-Hamawiyya, l'explication du Cheikh Salih Al-Sheikh que j'avais mentionné au dernier cours, que je voulais le citer et lire qu'est-ce qu'il a mentionné au sujet de ces passages dans les paroles de l'imam Ibn al-Majishoun. Donc il dit, Cheikh Salih Al-Sheikh, lorsque l'imam Ibn al-Majishoun a dit que tu ne dois pas essayer de te compliquer les choses en essayant d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala une attribut qu'il ne s'est pas attribué à lui-même, hein, et tu ne dois pas non plus essayer de connaître ce qu'il n'a pas mentionné, c'est-à-dire de ses attributs. S'il ne s'est pas attribué quelque chose, alors essaye pas de rentrer dans la compréhension ou la connaissance de ce genre de choses-là en utilisant ta raison ou ton intelligence ou ta logique, hein, comme le font les philosophes, pour essayer de comprendre qui est Allah et comment il est en se basant sur leur logique. Et c'est normal qu'ils rentrent dans l'égarement en faisant ça, puisque Allah subhanahu wa ta'ala et la connaissance qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, ça fait partie du ghaib. Hein? Il y a certains attributs qu'on peut comprendre ou connaître par la raison, mais c'est pas toutes les attributs. Donc il faut comprendre que certains attributs sont possibles de connaître par la raison, mais il y a des attributs qu'on ne peut connaître que par la révélation, hein, sifat al-khabariya. Donc il faut croire en tous ces attributs-là et les accepter. Donc il dit, le Cheikh Salih al-Sheikh, dans son sharh, al-kalam al-sabiq fi kalam ibn al-Majishun رحمه الله تعالى تفصيل للقاعدة المعروفة أن الكلام في الصفات باب واحد وأن باب الصفات مثل بعض من جهة الإثبات والإيمان وأن الحق أنه لا يفرق بين صفة وصفة من جهة التعامل معها أعني العلم والإيمان فكل صفات الله جل وعلا حق ولا وصف بها وما كما وصف بها نفسه جل وعلا وكما وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le Cheikh Salih al-Sheikh, il commence en disant que dans la parole précédente de l'imam Ibn al-Majishoun rahimahullah, il y a les détails d'une règle qui est connue, et cette règle c'est la suivante. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des attributs, eh bien, on en parle comme si c'était une seule et même catégorie, un seul et même sujet. Dans le sens que ce qu'on dit à propos d'une attribut, eh bien, on peut le dire à propos de toutes les autres sur le plan de l'affirmation de cet attribut et sur le plan de la foi qu'on doit avoir en cet attribut-là. Et que la vérité, hein, dans la méthodologie à adopter face aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que on ne distingue pas entre une attribut et une autre dans la façon dont on doit la prendre et agir envers cet attribut-là. C'est-à-dire que comme par exemple, si c'est une attribut, comme on va donner des exemples de toute façon parce que le cheikh donne des exemples, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont on prend et on comprend et on accepte les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, eh bien on doit toutes les accepter de la même manière et on doit toutes y croire de la même manière. On ne va pas faire d'exception entre une catégorie des attributs et une autre, hein, ou une attribut et une autre. Non, on les prend toutes ensemble et on agit envers elles de la même façon, peu importe que ce soit une attribut de l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa personne, ou une attribut d'action, ou une attribut qui est connue par la révélation, ou une attribut qui est connue par la raison, qui peut être connue par la raison, ou peu importe. Hein, on accepte toutes les attributs de la même manière et on y croit, hein, telles qu'elles sont révélées, et on accepte et on croit en on connaît la signification et on croit en cette signification, mais le commun des attributs on le remet à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque on connaît pas le commun et on n'essaie pas d'imaginer ou de faire ressembler Allah à sa création, et il n'y a rien qui lui ressemble. Donc ça c'est la méthode et l'attitude qu'on doit adopter envers toutes les attributs sans exception. Il n'y a pas une attribut qui serait différente dans la façon qu'on agirait envers elle par rapport à cette attitude-là ou cette règle-là ou cette méthodologie-là. C'est la même pour toutes les attributs. Il n'y a pas de différence entre une attribut et une autre dans cela. C'est-à-dire dans la science, hein, dans la science, c'est-à-dire la connaissance et l'affirmation et la foi en ces attributs-là. Donc, toutes les attributs d'Allah sont vérités, sont véridiques. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit par ces attributs-là, il faut l'accepter et y croire. Et si le messager sallallahu alayhi wa sallam s'est décrit par ces attributs-là, il faut les accepter également. Le cheikh il dit: فصفه الاستواء مثل صفه السمع والبصر ومثل صفه الضحك ومثل صفه امكان رؤيه الرب جل وعلا يوم القيامه او حصول رؤيه الرب جل وعلا للمؤمنين في الجنه في العرصات وأشبه ذلك. Donc le cheikh il dit, donc l'attribut de l'istiwa, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit élevé au-dessus de son trône, ou l'attribut de l'ouïe et de la vue, c'est la même chose, hein? Que ce soit l'attribut de l'istiwa, que Allah s'est élevé au-dessus de sa création, ou bien l'attribut que Allah subhanahu wa ta'ala a l'ouïe et la vue, c'est pareil. De même que c'est la même chose que l'attribut du rire, que Allah subhanahu wa ta'ala rit. Ou l'attribut du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, on pourra le voir au jour de la résurrection, et les créatures pourront le voir au jour de la résurrection. Ou bien l'attribut du fait que Allah subhanahu wa ta'ala va pouvoir c'est-à-dire l'attribut que les croyants vont pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis et également sur au moment de la résurrection lorsqu'ils attendent le jugement. Donc ils vont pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh dit: فهذه الصفات باب فيها باب واحد. فهذه الصفات الباب فيها باب واحد. ما نقول إن بعض الصفات يدخل فيه العقل فيقبل المجاز والتأويل وبعضها لا يقبل، مثل ما ذهب إليه طائفة من المتأخرين كالخطابي والبيهقي وجماعة. Donc toutes les attributs qu'on a mentionnés, ça c'est des exemples, hein, et c'est une seule et même catégorie. Il n'y a pas différentes catégories sur ce plan-là, c'est-à-dire sur le plan de la foi en les attributs et sur le plan de l'affirmation des attributs, et c'est toujours la même chose. On ne va pas dire, comme certains, que certains attributs peuvent être interprétés ou compris de façon allégorique, en les rentrant, si on les accepte par rapport à la raison, ou si on les affirme en se basant sur la logique ou la raison, hein, comme certains l'ont dit. Ils disent, on peut accepter l'interprétation allégorique ou la déformation du sens des attributs pour les attributs qui sont affirmés par la raison et la logique, mais pas pour les autres. On ne peut pas les interpréter les autres. Et ça, c'est la méthodologie qui a été adoptée par certains qui sont venus après les salafs, comme l'imam al-Khattabi et ou bien yani al-Hafiz al-Khattabi, al-Bayhaqi et d'autres également, un groupe d'entre certains savants qui ont adopté cette méthodologie-là. Et c'est une méthodologie qui est contraire à celle des salafs. Parce que le cheikh dit ensuite, « Bal il-haq al-lazi alayhi s-salaf, anna hadha al-bab, babun wahid, la yakhtalif. Fala natajawazu fihi ma huddalana, nu'minu bihi, fasifatu al-dahik, wasifatu al-istiwa, wasifatu al-nazar ila wajhi Allah al-Karim. » يعني أن الله جل وعلا ينظر إليه وصفة السمع والبصر هذه الصفات كلها شيء واحد من جهة أنها صفات لا نقول هذه صفة ذاتية فنتعامل معها بكيت وكيت وصفات فعلية فيدخلها التأويل وأشبه هذا donc le cheikh il dit la vérité par rapport à cette à ce qu'on a dit et par rapport à l'attitude qu'on doit avoir envers les attributs d'Allah et ce que suivaient les salafs par rapport à cette question, c'est que pour eux, toutes les attributs rentrent dans une seule et même catégorie par rapport à l'attitude et la façon dont on doit les accepter et y croire, c'est-à-dire que on n'a pas le droit de dépasser la limite qui nous a été établie, hein. Et qu'est-ce que les salafs ont suivi à ce sujet-là? C'est-à-dire qu'on doit croire en l'attribut. Comme par exemple, l'attribut du rire, l'attribut de l'istiwa, que Allah est élevé au-dessus de son trône, ou l'attribut du fait de regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il sera possible de le regarder. Ou l'attribut de l'ouïe et de la vue, que Allah subhanahu wa ta'ala sait. Attribué. Donc, tous ces attributs sont dans une seule catégorie, dans le sens que on doit toutes les accepter yani, comme elles sont, et y croire et ne pas les déformer dans leur sens, ne pas faire de déformation de leur signification. On doit ne pas essayer de les imaginer et de chercher le commun de ces attributs-là, et on ne doit pas non plus les faire ressembler aux attributs des créatures, et également on ne peut pas les nier ou les déformer, hein. Donc tout ça c'est des principes qu'on doit adopter, et ça c'est les mêmes pour tous les attributs sans exception. On ne va pas dire par exemple que celles-là, certaines sont des attributs de l'être, et donc on va agir envers elle de telle ou de telle façon, tandis que les autres attributs sont des attributs d'action, hein, et donc on peut les interpréter et déformer leur sens, et ainsi de suite, comme le font certains parmi les gens de Bid'a, parmi les gens de Kalam. Ils distinguent entre les attributs, et le but de cette distinction, c'est d'arriver à justifier ou essayer de justifier les différentes formes de déformation des sens qu'ils font. Comme par exemple, les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiyya, ils ont un problème avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais certains ont, par exemple, les Asha'ira et les Maturidiyya, ils vont par exemple avoir des attributs qu'ils affirment, comme les sept attributs qu'ils affirment, ou les huit, eh bien, ils les affirment, mais, bien entendu, ils ont quand même des problèmes envers certains attributs. Parce que certains attributs sont des attributs d'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est des attributs d'action. Et les attributs d'action, comme on le sait, elles sont reliées à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, comme par exemple la parole. La parole, c'est un attribut d'être, hein, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a toujours eu cet attribut, l'attribut d'avoir la capacité de parler, hein, et la parole comme attribut il l'a toujours eu, sauf qu'il parle selon sa volonté. Elle est reliée à sa volonté dans le sens qu'il parle quand il veut, hein, et quand il ne veut pas, il ne parle pas. Donc c'est une attribut qui est une attribut d'action. Et c'est pas comme par exemple le visage d'Allah ou la main d'Allah qui sont des attributs de son être et qui ne sont jamais absentes, hein, qui ne sont jamais séparées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est des attributs qui sont reliés à son être, hein, comme la main, comme l'élévation, hein, ça c'est aussi c'est une des différences entre al-istiwa et al-ulu. Al-ulu, c'est une caractéristique qui est toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala est toujours élevé, hein, est toujours élevé. Tandis que al-istiwa, c'est un attribut d'action, hein, et il s'élève, hein, lorsqu'il veut, sur ce qu'il veut, hein. Donc c'est une distinction, mais on ne va pas dire bon, les attributs d'action on a le droit de les interpréter et de déformer leur sens pour changer leur signification, et les attributs de l'être, non, hein? Donc certains font cette distinction là et ça c'est une méthodologie qui est contraire à celle des salaf al-salih. Après le cheikh il dit ولهذا قعد العلماء في هذا عدة قواعد ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، منها أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات يحذو حذوة أو يحتذى فيها على حذوه، يعني ينهج فيه على منواله. Donc le cheikh il dit, et c'est pour ça que les ulama ils ont établi certaines règles, et Ibn Taymiyyah, cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, les a mentionnées dans son livre At-Tadmuriyya, Ar-Risala At-Tadmuriyya. Il mentionne ces règles là comment on doit agir envers les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les attributs, parmi les règles au sujet des attributs, c'est que ce qu'on peut dire à propos de ce qu'on peut dire à propos de l'être d'Allah, eh bien on peut, c'est la même chose que qu'est-ce qu'on dit à propos des attributs. On ne fait pas de distinction. Donc si on peut le dire à propos de l'être d'Allah, eh bien on de la même manière qu'on peut le dire à propos de l'être d'Allah, on le dit à propos des attributs aussi. Ok, donc on parle des attributs de la même manière qu'on parle à propos de l'être d'Allah et de sa personne. Et c'est ensemble, c'est toujours pareil. Il n'y a jamais de distinction entre la façon dont on parle de l'être d'Allah et de ses attributs. Donc, si par exemple, on dit que quelqu'un te demande par exemple, comment est la main d'Allah ? Donc tu peux lui dire, comment est son être? Donc, si tu ne sais pas comment est son être et sa personne, tu ne peux pas le décrire. Donc, de la même manière que tu ne peux pas décrire son être et sa personne, tu ne peux pas décrire non plus, hein, sa main ou son visage, et ainsi de suite. Donc, tout ce que tu dis à propos de l'attribut, tu dois être capable de le dire également à propos de l'être. Il n'y a pas de distinction, on ne doit pas distinguer entre les deux. Il dit ومنها أن إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية وأشبه ذلك. Donc une autre règle parmi les règles que les ulama ont établies au sujet des attributs d'Allah, c'est que lorsqu'on affirme les attributs, on affirme la signification de l'attribut, tandis que on n'affirme pas le comment, puisque on ne sait pas le comment, c'est-à-dire on va pas affirmer la connaissance du comment. Qu'est-ce qu'on affirme, c'est la connaissance de la signification. Et c'est ça qui est important de comprendre. on affirme la connaissance de la signification, mais on n'affirme pas la connaissance du comment. Et il y en a beaucoup d'autres règles également. Il dit فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ صِفَةٍ وَصِفَةٍ لَا نُفَرِّقُ إِذَن بَيْنَ صِفَةٍ وَصِفَةٍ فَالْعُقُولُ إِذَا وَرَدَتْ إِلَى عَظَمَةِ اللَّهِ وَأَرَادَتْ أَن تَتَصَوَّرْ كَيْفَ يَتَّصِفُ الرَّبُّ جَلَّ وَعَلَى بِهَذِهِ الصِّفَاتِ رَجَعَتْ خَاسِئَةً حَسِيرَةً فِي مَا أَرَادَتْ بَلِ الْوَاجِبُ التَّسْلِيمُ. Donc, le cheikh, il dit, donc puisque c'est ainsi, on ne doit pas distinguer entre une attribut et une autre. Et il faut savoir que la logique ou la raison, lorsqu'elle commence à essayer d'imaginer ou de réfléchir sur la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, elle n'est pas capable de décrire Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, avec ses attributs. Donc, même si tu essaies de le faire, ou de l'imaginer, mais tu n'y arriveras jamais. Tu seras incapable de le faire. Donc, l'obligation, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est de se soumettre. De se soumettre à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme attribut. Et il dit, il y a différentes sortes, ou différentes catégories parmi les gens de Kalam, il y a différentes catégories de gens qui ont fait le ta'wil des attributs, hein, et qui ont dévié dans les noms et les attributs d'Allah. Il dit le cheikh, minhum man am awwala al-jami'a, jami'a sifat. Donc parmi les gens de bid'a, il y en a qui ont déformé le sens de toutes les attributs d'Allah, hein, et qui les ont toutes faussement interprétées pour yani déformer leur sens. Tandis qu'il dit وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ جَمِيعَ الصِّفَاتِ إِلَّا ثَلَاثًا المعتزلة. Donc certains, ils ont déformé toutes les attributs d'Allah et changé leur signification, excepté trois d'entre elles, comme par exemple les Mu'tazila. Il dit, il y en a d'autres qui ont déformé toutes les attributs d'Allah de leur sens, excepté sept, comme par exemple les Kullabiyya, Al-Asha'ira Al-Kullabiyya. Hein? Et il y en a d'autres qui ont déformé toutes les attributs excepté huit. Et c'est l'exemple des Maturidiyya. Il y en a d'autres qui ont déformé toutes les attributs des actions. Al-Sifat Al-Fi'liyya. Toutes les attributs d'action qui sont reliés à la volonté, ils les ont déformés. Tandis que les attributs de l'être, ils les ont affirmés. Et ça, c'est l'exemple, c'est comme un groupe de ceux qui prétendent appartenir au hadith. Hein, comme par exemple Al-Bayhaqi et Al-Khattabi et d'autres parmi ces exemples-là. Donc eux, les attributs de l'être, ils les affirment tels quels. Tandis que les attributs de l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils les déforment, ils changent leur signification. Ils font le ta'wil qui est blâmable, c'est-à-dire de déformer le sens des attributs d'Allah pour yani, nier leur signification réelle et yani, poursuivre leur passion. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, le cheikh il dit wa minhum man lam yaltazim fi hadha shay'an wahidan بل أول بما يدخل بعقله وأثبت في بعض الأشياء دون بعض كابن حجر وابن الجوزي وجماعة وأشباه هؤلاء. Donc le cheikh il dit, tandis qu'il y en a d'autres qui n'ont pas suivi une seule règle, c'est-à-dire que ils ont déformé le sens des attributs selon leur propre logique ou selon ce qui rentrait dans leur intelligence ou dans leur logique. Et si ça rentrait dans leur tête de déformer une attribut, ils le faisaient, et certains autres attributs, ils ne les déformaient pas. Hein? Ils affirmaient certaines, puis d'autres, ils ne les affirmaient pas telles quelles. Ils déforment leur sens et ils n'ont pas suivi une règle constante sur ça, ou une méthodologie précise dans cette voie-là, contrairement aux autres groupes de bid'a. Donc, parmi ceux-là, il y a l'exemple de Ibn Hajar et Ibn al-Jawzi, ou bien il y en a d'autres qui sont semblables à ceux-là. Hein? Et il dit فالمؤولة لم يجعلوا الباب بابا واحدا وهم أصناف وطبقات ويمكن تقسيمهم إلى خمس أو ست طبقات إلى خمس أو ست طبقات. Donc le cheikh il dit que المؤولة, c'est-à-dire ceux qui ont déformé le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas donc tous ils sont pas tous pareils. On a vu, il y en a qui déforment certains attributs et d'autres qui déforment pas le même nombre. Il y a une divergence dans la méthodologie entre eux. Et la raison donc, c'est que ils n'ont pas, contrairement aux gens de la Sunna, considéré toutes les attributs comme faisant partie d'une seule et même catégorie. Ils ont déformés, donc ils ont pour eux traité certains attributs d'une façon et d'autres d'une autre façon. Et ils sont tous en divergence les uns par rapport aux autres dans ces questions-là. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah, quand il a parlé dans l'introduction du livre, il les a réfutés justement sur le fait qu'ils prétendent tous se référer à la raison et à la logique, et pourtant ils n'arrivent pas tous à la même conclusion. Donc ça veut dire que ils ont toutes une logique différente, et donc si on devait, comme eux ils prétendent vouloir le faire, ramener la connaissance de la religion et des attributs d'Allah, qui est la plus importante de toutes les connaissances, ils veulent la ramener à la raison et à la logique. Et ils prétendent que c'est avec ça qu'on peut trancher pour connaître la vérité. Eh bien, comment ça se fait que eux, entre eux, ils prétendent tous retourner à la logique et à la raison, et pourtant, ils ont toutes une méthodologie différente et une réponse différente dans leur logique. C'est la preuve qu'ils ne suivent pas la logique, mais en réalité, ils suivent leur passion. Et donc, le cheikh, il dit que ils n'ont pas traité les attributs d'Allah comme étant une seule et même catégorie, et ils sont en réalité différents groupes, différentes catégories par rapport à ça, différents degrés dans leur façon de distinguer entre les attributs. Et parmi les ulama, certains les ont divisés en 5 catégories ou degrés, et d'autres en 6. Donc ils sont en plusieurs degrés. Et le cheikh il dit والواجب في طريقة السلف هي أنهم لا يفرقون في هذا الباب بين وصف ووصف فإذا تكلموا على صفة الحياء فهو من جنس كلامهم على صفة الاستواء وهو من جنس كلامهم على صفة العلو. الإثبات بلا تكييف ولا تمثيل للرب جل وعلا بخلقه وهو إثبات للمعنى وللصفة مع قطع الطمع لإدراك الكيفية والمثلية جل ربنا وعظمه وتقدس سبحانه. Donc le cheikh il dit l'obligation selon la voie des salafs et dans la voie des salafs par rapport aux attributs d'Allah, c'est qu'on ne doit pas distinguer dans ce domaine-là entre une attribut et une autre. Si on parle d'une attribut comme par exemple al-haya, la pudeur, et la gêne, la timidité, ben ça c'est une des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien on en parle de la même manière qu'on va parler de al-istiwa. Et c'est de la même manière également qu'on va parler de l'attribut de al-ulu, al-istiwa, qui est le fait que Allah est au-dessus de son trône, et al-ulu, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout, et élevé, exalté. Et donc, c'est-à-dire qu'on va tout attribuer, on va toutes les affirmer sans yani, essayer d'imaginer ou de connaître le commun, hein, et on va les affirmer sans faire de ressemblance entre le Créateur et la créature, et on affirme la signification de ces attributs-là, tout en coupant toute tendance ou toute volonté de rechercher le commun ou la comparaison entre le Créateur et la créature. Hein? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, on affirme ses attributs comme de la manière que les salafs l'ont affirmé. Donc ça, c'est la fin de ce point que je voulais lire de Cheikh Saleh al-Sheikh. Naam. Et il y a également d'autres points que je veux lire de ses paroles aussi. Naam. Il y a un point qui est très très très important, et puis c'est très détaillé et très long. On va lire ce passage-là, et je pense que ça va être suffisant pour le cours d'aujourd'hui, une fois qu'on a terminé cette explication-là, à la fin de la parole de Ibn Taymiyyah, qui commente sur la parole de l'imam Ibn al-Majishoun. Il dit la parole suivante pour expliquer ce que les Jahmiyyah mentionnent au sujet de leur analogie lorsqu'ils disent « Si tu affirmes telle chose à Allah, ça implique qu'il est comme un corps ou qu'il est yani, de telle façon ou de telle façon, et ça implique qu'il est créé ou des choses de ce genre. Cheikh al-Islam, il explique d'où vient cette erreur de leur part. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a expliqué dans plusieurs endroits, dans différents livres, d'où vient l'erreur de leur analogie lorsqu'ils disent ce genre d'analogie pour justifier la négation des noms et des attributs. Et donc, Cheikh Saleh al-Sheikh, ici, il va faire un genre de résumé de cette explication de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et il va le simplifier aussi. Donc, ce qui fait que la compréhension de cette histoire va être beaucoup plus simple, inshallah. Donc, il dit premièrement, quand les gens de Bid'a nient les noms et les attributs d'Allah, et qu'ils essaient de, comme les Jahmiyyah par exemple, ils essaient de dire on ne peut pas affirmer telle ou telle chose à Allah parce que ça impliquerait que Allah serait un corps, et donc ça voudrait dire qu'il est créé ou des choses de ce genre. La raison pourquoi ils disent ça, bon, tout ça c'est bien entendu c'est des choses totalement fausses, et c'est basé sur de l'égarement total. Mais on va lire qu'est-ce que le cheikh il dit. Il dit الجسم هو ما يقبل الحركة عندهم. الكلام في الصفات يبحثون في هذه الأمور. يقسمون الحديث في الصفات وغيرها إلى قسمين. جليل الكلام ودقيق الكلام. جليل الكلام هذا يتكلمون فيها عن الصفات العامة. ودقيق الكلام يتكلمون فيها عن التعريفات تعريفات الألفاظ. Donc le cheikh il dit quand il parle des attributs, il cherche les questions suivantes, comme par exemple le corps, et ils disent que le corps c'est ce qui accepte le mouvement, hein? Donc pour eux le corps c'est quoi, c'est qu'est-ce qui accepte le mouvement. Et donc quand il parle des questions qui ont rapport avec les attributs, il divise ça en deux catégories. La Jalil ul-Kalam et Daqiq ul-Kalam. Jalil ul-Kalam, c'est-à-dire les grandes paroles, ou Daqiq ul-Kalam, les paroles détaillées et subtiles. Et donc, Jalil ul-Kalam pour eux, c'est le fait de parler des attributs de façon générale, tandis que daqiqul kalam, c'est de parler des définitions des termes et des mots qu'ils emploient, comme par exemple al-jism, hein, al-arad, tous des termes qui n'ont pas de référence dans le Coran et dans la Sunna, mais qui viennent plutôt des paroles des philosophes, philosophes grecs, et ils se basent là-dessus pour nier ou affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala selon ce qu'ils considèrent être logique. Et on va comprendre pourquoi ils se réfèrent à ça et pourquoi ils se basent là-dessus pour nier, yani, les attributs d'Allah. Hein? Et vous allez voir, yani, c'est grave, l'ignorance et l'égarement. Comment quelqu'un peut, avec même parfois une bonne intention, tomber dans un égarement total et même dans la mécréance. Allah musta'an. Donc le cheikh il dit فالجسم عندهم ما يقبل الحركة والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالجسم فالعرض مثل الألوان مثل الأحوال الأربعة الرطوبة والجفاف والحرارة والبرودة وأشبه ذلك. Donc il dit الجسم, le corps pour eux, un corps c'est quoi? C'est qu'est-ce qui accepte le mouvement. Et Al-Arad, c'est qu'est-ce qui ne peut pas exister par lui-même. Donc, le corps, c'est qu'est-ce qui accepte le mouvement. Et Al-Arad, les éléments incidents, c'est qu'est-ce qui ne peut pas exister de par lui-même. Hein, en fait, c'est les attributs Al-Arad. Et ils disent que les éléments incidents ou les accidents ne peuvent exister que dans un corps, comme par exemple les couleurs. Une couleur ne peut pas exister à l'extérieur d'un corps, hein, ou autre que sur un corps, hein. Elle doit être reliée à quelque chose de physique, un corps. La même chose pour les quatre éléments ou les quatre états, comme l'humidité, la sécheresse, la chaleur et le froid, hein. C'est, si tu dis que tu ne peux pas dire le froid est relié à quelque chose, comme par exemple de l'eau froide ou un vent froid ou un corps froid, mais tu ne peux pas dire que, juste du froid qui ne serait pas rattaché ou relié à un corps. Donc ça c'est des exemples de trucs qu'il ramène. Ça c'est comme, hein, comme je dis, ça vient des trucs des philosophes, hein. Et ils essaient d'appliquer ça à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des choses qui s'appliquent à des créatures, mais ils essaient d'appliquer ça aussi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça yani, qu'ils s'égarent. Donc le cheikh il dit لِمَاذَا ذُكَرَ الْجِسْمُ وَالْعَرَضُ هُنَا. Pourquoi on a mentionné ici le corps et les éléments incidents ici? Donc le cheikh il dit قال كَمَا تَقُولُ الْجَهْمِيَ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ جِسْمًا أو عرضا فيكون محدثا. Donc ils disent que, il a dit Ibn Taymiyyah, comme le disent les Jahmiya, que si on affirme tel ou tel attribut, ça implique qu'il serait un corps ou un élément incident et donc il serait créé. Le cheikh il dit هذا لأن الجهم أثبت وجود الله جل وعلا عن طريق حدوث الأجسام وأثبت حدوث الأجسام عن طريق حدوث الأعراض في الأجسام فكانت هذه الأشياء محدثة عنده عن طريق برهان الجسم والعرض ولهذا ذكر هنا قال كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا لأنهم ما أثبتوا المحدثات إلا عن طريق الأجسام والأعراض وذلك أن الجهم لما ناظرته السومرية طائفة من التناسخية يعني من التناسخية في الهند قالوا له أثبت لنا وجود ربك وشككوه فتأمل مدة وكان من الفقهاء كان جهم بن صفوان الترمذي كان فقيها وكان عنده علم بالشريعة وبالنصوص فنظر كيف يقنع السمانية بإثبات وجود الله جل وعلا فتأمل تأمل فتأمل في العقليات فوجد أن البرهان الصحيح هو حدوث الأعراض في الأجسام. فالعرض باتفاق بينه وبينهم أنه لا يقوم بنفسه، حرارة، برودة، لون، رطوبة، جفاف، هذه أشياء لا تقوم بنفسها، غير محسوسة، وإنما توجد في غيرها. فنظر فإذا الجسم تحله الحرارة وتحله البرودة وتحله الألوان المختلفة، الجفاف والرطوبة، فقال الجسم حلت فيه هذه الأشياء، فدل على أنه مكان للتغير ومكان لحلول الأعراض فيه. والعرض لا يوجد نفسه بالاتفاق، وإنما يوجد. فإذا الجسم أوجد فيه وجعل فيه العرض وأحدث فيه العرض، فمعنى أن الجسم لا بد له من عرض، يعني لا يبقى بلا عرض، ولا يمكن إلا أن يكون له لون، ولا يمكن إلا يعني ولا يمكن أن لا يكون له لون، ولا يمكن أن لا يكون له صفة من الصفات الأربعة: حرارة، برودة، رطوبة وجفاف. Donc je vais résumer qu'est-ce que le cheikh ici il explique. Il dit c'est que pourquoi donc on mentionne al-arad, al-jism wal-arad, pourquoi on mentionne le corps et les attributs ou les éléments incidents. C'est que en fait Jahm il a essayé d'utiliser ça pour affirmer l'existence d'Allah. Il a utilisé cette méthode de la création des corps pour arriver à affirmer yani l'existence d'Allah. Et c'est une méthode qui est totalement fausse. C'est pas une méthode qui est correcte, mais lui il s'est basé là-dessus pour le faire, et donc ça l'a amené à tomber dans une situation où yani, il était forcé par la suite à tomber dans la négation des attributs à cause de ça. Allah musta'an. Donc le cheikh il dit, il a affirmé la création des corps par l'argument que les éléments incidents dans les corps sont créés, c'est-à-dire les caractéristiques qui décrivent les corps sont elles-mêmes créées. Donc il dit, ça veut dire que ces éléments incidents sont elles aussi créés, et donc ça c'est la preuve qu'il a établie. Selon lui, c'était la preuve qu'on appelle la preuve du corps et des éléments incidents. Il dit, donc c'est pour ça que ici Ibn Taymiyyah a dit, comme le disent les Jahmiyyah, que si on affirme tel ou tel attribut, comme l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a la vue ou l'ouïe, ou qu'il est au-dessus de son trône, ou des attributs comme ça, qu'il a une main ou qu'il a des yeux, ils disent ça implique qu'il est un corps, et ça, ou bien ça implique qu'il est un élément incident, et ça voudrait dire qu'il est créé. Pourquoi? Parce que c'est comme c'est en utilisant cette méthode là qu'ils ont essayé d'affirmer les créatures, et ils ont utilisé ça aussi pour montrer que ces choses là sont créées contrairement au créateur. En tout cas, là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que Jahm, il a eu un débat avec les Soumaniyas. Soumaniyas, c'est des gens en Inde, comme des bouddhistes, qui croient en la réincarnation. Et ils lui ont dit, affirme-nous ou prouve-nous l'existence de ton Dieu. Alors, ils lui ont mis des doutes. Ils ne savaient pas comment les convaincre. Mais quand même, il faisait partie des gens qui avaient quand même la connaissance, la science de la charia, de la connaissance du fiqh. Alors, il connaissait les textes et la charia et tout. Donc, il a regardé dans qu'est-ce qu'il avait comme argument pour essayer de les convaincre, pour arriver à affirmer l'existence d'Allah, Jalla wa Ala. Puis, il a essayé de réfléchir sur des arguments rationnels pour les convaincre, et il a trouvé une preuve qui, selon lui, était correcte, c'était que les éléments incidents dans les corps sont créés. Ok. Et donc, ça, ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'accord entre lui et les bouddhistes, les Soumaniya, que yani, les éléments incidents dans les corps étaient créés et qu'elles ne pouvaient pas exister d'elles-mêmes. Comme par exemple la chaleur, le froid, la couleur, l'humidité et le fait d'être la sécheresse, tout ça, c'est des choses qui ne peuvent pas exister d'elles-mêmes et qui ne sont pas palpables. Il faut qu'elles existent dans un corps. Hein? Elles peuvent uniquement exister en quelque chose d'autre. Alors, il a regardé et là, il a vu que effectivement, les corps peuvent être chauds, peuvent être froids, peuvent avoir des différentes couleurs, peuvent être sèches ou humides. Et il a dit, donc, les corps sont les choses qui renferment ces différentes choses-là. Et donc, ça, c'est la preuve que c'est un lieu, le corps est un lieu qui peut changer. Hein? Et c'est un endroit où le corps est un lieu ou un endroit où se tiennent les éléments incidents. Et donc, les incidents, on est tous d'accord qu'elles ne peuvent pas, les éléments incidents ne peuvent pas exister d'eux-mêmes. Mais elles existent toujours en quelque chose d'autre et elles ne peuvent pas exister d'elles-mêmes, il faut qu'on les fasse exister. Hein? Elles ne peuvent pas exister d'elles-mêmes, il faut qu'on les fasse exister. Donc, il dit ensuite, si le corps, on a fait, فَإِذَنْ الْجِسْمُ أُجِدَ فِيهِ, on a mis donc en le corps, on a fait exister en ce corps des éléments incidents, ça signifie que le corps lui-même, il faut qu'il ait des éléments incidents. Il ne peut pas rester sans éléments incidents ou sans caractéristiques, hein, sans description ou sans attributs. Ça ne se peut pas qu'un corps n'ait pas de couleur ou qu'il n'ait pas de chaleur ou de froid ou d'humidité ou de sécheresse. Il faut qu'il ait une de ces états-là. Il faut qu'il ait une de ces caractéristiques-là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ إِجَادِهِ فَمَنِ الَّذِي أَوْجَدَهُ. Donc si c'est ainsi, donc il faut absolument que quelque chose l'ait créé, hein, quelque chose l'ait fait exister. Donc c'est qui est-ce qui l'a fait exister? Donc il dit فَقَالْ إِذَنْ هُنَا الْجِسْمُ لَمَّا كَانَ يَقْبَلُ إِحْدَاثَ الْعَرَضِ فِيهِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُحْدَثُ لأن الجسم لا يكون إلا بعرض ولا بد له من عرض فالجسم حقيقته ما يقبل الحركة والعرض فيه والعرض لا يوجد بنفسه والأجسام تتغير العرض فيها فدل على أن الجسم لا يوجد العرض بنفسه. Donc il a dit ensuite. Donc, à ce point-là, il a dit donc ici, le corps, c'est ce qui accepte les éléments incidents. Et ça, c'est la preuve que le corps est créé. Parce que le corps ne peut exister sans les éléments incidents. Et il faut absolument qu'il ait des éléments incidents pour exister. Et le corps, la réalité du corps, c'est qu'est-ce qui accepte le mouvement en lui-même et les éléments incidents. Donc, il dit, on ne peut pas, les éléments incidents ne peuvent pas se créer d'elles-mêmes et les corps, eh bien, à l'intérieur des corps, les éléments incidents peuvent changer. Donc, c'est la preuve que le corps ne peut pas se créer tout seul. Et donc, si les éléments incidents sont créés dans le corps, donc ça veut dire que فدل على ان ما حل فيه كذلك المحدث كذلك المتغير محدث. Donc de même que dans ce cas-là, ça veut dire que le corps aussi il est créé, puisque les éléments incidents qui sont créés dedans, ils sont créés, et donc ça veut dire que le corps lui-même, il est créé. En tout cas, ça c'est une présentation un peu compliquée et franchement je ne sais pas comment il a essayé de prouver l'existence de Dieu en se basant sur cette argumentation un peu bizarre, mais bon. Et qu'est-ce qui est arrivé comme conclusion? Ils ont accepté, les bouddhistes ont accepté cet argument-là. فَسَلَّمُوا أَنَّ لَهُ فَسَلَّمُوا لَهُ الْقَضِيَّةِ وَقَالُوا دل ذلك على أن الأجسام محدثة فقال لهم فالمحدث لها هو الله. Donc ça, la fin de son argument c'est la suivante. Donc ils se sont mis d'accord avec lui que le corps est créé et que les éléments incidents sont créés. Et ils étaient d'accord là-dessus, que les corps étaient créés. Alors il leur a dit aux bouddhistes, à ces gens-là, donc c'est qu'est-ce qui les a créés, les corps? C'est Allah. C'est Allah qui a créé les corps. C'est ça, il a dit tout ça pour arriver à cette conclusion-là. Oui, alors? Ok, j'arrive. Ok, salam alaikum. Ok. Donc, il a fait toute cette présentation-là pour arriver à la conclusion que les corps sont créés et que c'est Allah qui les a créés, puisqu'ils ne peuvent pas se créer tout seuls. Mais là, regardez maintenant qu'est-ce qui est arrivé par la suite. C'est parce que c'est pas fini, hein. Les bouddhistes ont continué à poser des questions. Ils ont dit, ثُمَّ قَالُوا لَهُ مَا صِفَةُ رَبِّكَ. Ils ont dit, c'est quoi la description de ton Seigneur? Décris-le nous. Ils disent parce que لِأَنَّهُمْ فِي الْهِنْدِ كُلٌّ إِلَهٌ. لِأَنَّهُمْ فِي الْهِنْدِ كُلٌّ لَهُ إِلَهٌ صنم كل إله صنم والآلهة لها صفات فقالوا ما صفة ربك فنظر فإذا هو أمام مشكلة كبيرة وهي أنه إذا أثبت ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات فيعود ذلك الإثبات إلى برهانه الذي برهنه بالإبطال لأن عندنا صفات لا تقوم بنفسها مثل صفة مثلا الاتيان هذا على حسب تعريفهم عرض وليس جسم يقبل الحركة هو بنفسه. الاتيان هو يكون في الموصوف مثلا الاستواء مثل الرحمة مثل الرأفة الغضب الرضا فوجد صفات كثيرة إن أثبتها كما جاء في القرآن صارت جميعا أشياء غير موجودة بنفسها وإنما توجد في شيء الوجه اليدين إلى آخره فوجد أنه لا يستقيم له صفة إلا صفة واحدة لا تطعن على برهانه في وجود الله بالإبطال وهي صفة الوجود ولهذا قال لا نصف الله جل وعلا إلا بالوجود الأعظم فقط وما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات يؤولها بمخلوقات منفصلة عن الرب جل وعلا. Donc là vous allez comprendre pourquoi ils ont renié les attributs d'Allah puis pourquoi ils ont déformé le sens des attributs d'Allah. Ils ont dit donc décris-nous ton Seigneur, décris-nous ton Dieu, comment il est. Et eux, en Inde, ces bouddhistes, et ces gens, ils avaient en Inde des idoles. Et chaque idole a des caractéristiques et des attributs. Alors, ils ont dit, donne-nous les attributs de ton Seigneur, décris-le-nous. Alors, il a commencé à réfléchir, et là, il a vu qu'il était devant un grave problème. C'est-à-dire que, s'il affirmait ce qui est mentionné dans le Coran, et dans la sunna comme attribut d'Allah, alors ça lui donnait, ça ramenait à affirmer que sa règle et son argument et sa preuve étaient fausses. Puisque dans le Coran et dans la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala se décrit par des attributs qui ne peuvent exister par elles-mêmes, mais qui doivent exister en quelque chose. en quelqu'un, comme par exemple l'attribut de venir. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au jour de la résurrection qu'il va venir pour juger les hommes. Donc à l'étienne par exemple. Et ça, selon sa description et sa définition, ça rentre dans qu'est-ce qu'il considère comme un élément incident, hein, un arad. C'est pas un corps qui existe par lui-même. La venue, le fait de venir, c'est quelque chose qui est en la chose décrite et qui ne peut exister par elle-même. La même chose pour al-istiwa, le fait qu'Allah soit élevé au-dessus du trône. Hein? Qu'est-ce qui a une istiwa, ça n'existe pas tout seul. Ça doit être donné en description à quelqu'un ou à quelque chose. La même chose pour la miséricorde. Il n'y a pas une miséricorde qui se promène tout seul dans l'air, qui flotte comme ça dans le vide. Une miséricorde ou une colère ou rida, yani l'agrément. Donc, il a trouvé qu'il y avait beaucoup d'attributs que s'il les affirmait telles qu'elles sont dans le Coran et dans la Sunna, hein, ce sont des choses qui n'existent pas par elles-mêmes, mais qui existent en quelque chose d'autre, comme par exemple le visage, les mains, et ainsi de suite. Ce sont des attributs qui sont affirmés dans le Coran, au Créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a trouvé que il en a déduit pour que sa règle et sa preuve continuent à être valables et pour continuer à pouvoir l'utiliser pour prouver l'existence de Dieu tel qu'il l'a voulu, tel que selon sa logique. Il a trouvé qu'il fallait qu'il n'attribue à Allah aucune attribut de qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna pour ne pas détruire son raisonnement et sa logique au sujet de l'existence d'Allah. Alors, la seule attribut qu'il a dit qu'il pouvait attribuer à Allah et qui allait fonctionner avec son raisonnement, c'était l'attribut de l'existence. Et il a dit donc qu'on ne peut décrire Allah par autre chose que par l'existence ou la grande existence seulement. Et tout ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna comme nom et comme attribut, il faut déformer sa signification en disant que ce sont des créatures séparées de Dieu, hein, des choses qui sont attribuées à Allah subhanahu wa ta'ala, mais des créatures d'Allah qu'il s'est attribué à lui-même. Allah al-musta'an. Donc le cheikh il dit, et là il explique, ça c'est l'égarement des Jahmiyyah. Maintenant les Mu'tazila, eux, il dit le cheikh al-Mu'tazila sallamu bihadha al-burhan walakin qalu al-aql دليل قاطع على إثبات ثلاث صفات فالبرهان سليم ولكن ثم ثلاث صفات دل العقل على إيجادها فأثبتوا ثلاثة. Donc les Mu'tazila, eux, ils ont accepté la règle que Jahm ibn Safwan a inventée, le raisonnement qu'il a ramené pour prouver l'existence de Dieu à la base, ça ils l'ont pris, mais ils ont dit la raison et la logique est une preuve certaine et elle affirme trois attributs. Donc la règle est bonne, sauf que il y a trois attributs qu'on peut affirmer par la raison, et donc il est obligatoire d'affirmer trois attributs. Donc ils ont affirmé trois attributs, ils ont nié les autres et ils ont déformé le sens des autres. Sont venus par la suite les Kullabiyya, ils ont dit, eux aussi ils ont dit la règle elle est bonne, la règle de Jahm ibn Safwan pour prouver l'existence de Dieu elle est bonne, sauf que la raison et la logique nous prouvent que on peut affirmer sept attributs. Donc ils ont rajouté cinq attributs aux trois attributs que les Mu'tazila ont affirmés. Ensuite sont venus les Maturidiyya, qui sont très proches des Asha'ira al-Kullabiyya. Et eux, ils ont dit, eux aussi, la règle de base de Jahm ibn Safwan, elle est bonne. Mais la logique nous force à accepter huit attributs et à les affirmer. Donc, ils ont rajouté une aux sept attributs des Asha'ira al-Kullabiyya, et donc, ils ont affirmé huit attributs, et la huitième c'était sifat at-takwin. لأنه محدث. Donc at-takwin c'est la création. Hein? Et étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui crée, ils n'ont pas eu le choix de rajouter cet attribut-là. Parce que selon eux, si quelque chose crée, quelque chose qui n'existait pas auparavant, donc pour eux ça c'est un changement, et le changement, ça fait partie des caractéristiques des éléments incidents, qui n'existent que à l'intérieur d'un corps ou dans un corps, et donc si on affirme ça à Allah, pour eux ça impliquerait que Allah serait créé. Donc c'est pour ça que les autres l'ont pas affirmé, mais eux les maturidis l'ont affirmé. Tout ça c'est de la philosophie et c'est des bêtises. Mais le cheikh il dit à la fin, il dit هذا كله يبين الكلابية قالوا البرهان صحيح والعقل دل على إثبات سبعة فزادوا بهذا والماتريدية قالوا البرهان صحيح ولكن دل العقل على زيادة الثامن وهو صفة التكوين لأنه محدث فلا بد أن يكون موصوف بالتكوين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته موصوف بالتكوين إلى آخره وهذا كله يبين لك أن كل من نفى الصفات فهو جهمي لأنه ما نفى الصفة إلا لتسليمه ببرهان جهم في وجود الله جل وعلا. Donc le cheikh il dit tout ça vient prouver, vient te prouver que toute personne qui nie les attributs, que c'est un jahmi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui l'a amené à nier les attributs? C'est l'acceptation de son argument au sujet des corps et des éléments incidents. Là, c'était son argument au sujet de, pour prouver l'existence d'Allah. C'est ça qu'il a utilisé. Donc, parce qu'ils ont accepté ça, eh bien, ils ont été forcés à nier les attributs d'Allah. Et c'est pour ça qu'on dit de tous les gens de Kalam, que ce soit des Jahmiya ou des Mu'tazila ou des Asha'ira ou des Maturidiya, que ce soit en réalité tous des Jahmiya, parce que à la base ils sont tous tombés dans la même erreur que lui. Après le Cheikh il dit ولهذا إذا كان ثم حاذق في طريقة الأشاعرة والماتريدية فإذا زلزل عن هذا البرهان صار ما بعده أسهل ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كرر نقض هذا البرهان الجهمي على وجود الله جل وعلا وإبطاله من أوجه كثيرة في كل كتابيه في منهاج السنة عرض له بالتفصيل وفي النبوات عرض له بالتفصيل وفي درء تعارض العقل والنقل عرض له بالتفصيل وفي الجواب الصحيح عرض له بالتفصيل وفي كل موقع وموضع يأتي بهذا الكلام في الرد على الرازي الرد المطول أيضا عرض له بالتفصيل هكذا. Donc le cheikh il dit, donc si il y a quelqu'un qui est intelligent et qui connaît la voie des Asha'ira et des Maturidiya comme il faut, et qu'on lui détruit la règle de Jahm ibn Safwan, eh bien, une fois que cette règle-là est détruite et qu'il est convaincu que cette règle elle est fausse, cette preuve elle est fausse, eh bien, le reste devient très facile à détruire également parmi les shubuhat qu'ils ont. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a répété de nombreuses fois la critique et la destruction de cette fausse preuve que Jahm ibn Safwan a ramenée pour essayer de prouver l'existence d'Allah, et il l'a détruit de plusieurs points de vue. Dans plusieurs de ses livres, comme le livre Minhaj al-Sunnah, il l'a détruit en détail. Le livre An-Nubuwat, le livre Dar al-Ta'arud bayn al-Aqli wa al-Naqli, il l'a détruit en détail aussi. Dans son livre Al-Jawab al-Sahih, Liman Baddala Din al-Masih, il l'a détruit en détail. Et dans sa réfutation de Al-Razi, Fakhruddin al-Razi, il l'a détruit en détail aussi. Fa'idhan, hadhihi al-Kalima, فيها إشعار بهذا، ف فكل من نفى صفة من الصفات فإنما كان من هذا الطريق لقوله هنا كيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها يعني على حسب قولهم كذا وكذا كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا أو محدثا هذه كلمة مهمة ولها تفاصيل وفهم مسيرة الانحراف في أقوال الناس في الصفات نابع من هذه المسألة فإذا فهمت هذه المسألة جيدا فهمت سبب تفرق الفرق إلى أقوال لماذا قال المعتزلة ثلاث صفات ولماذا قال الأشاعرة سبع ولماذا الماتوريدية ثمان والكرامية قالوا كذا والسالمية قالوا لماذا قالوا كذا والمرجئة إلى آخره كلها مبنية على هذه المسألة donc le cheikh il dit que c'est de là que vient l'erreur de cette règle de Jahm ibn Safwan et donc toute personne qui a nié une attribut parmi les attributs par la suite il est tombé dans cette négation là à cause de cette voie qui a été ramenée par Jahm ibn Safwan et c'est pour cette raison là que l'imam Ibn al-Majishun ici il dit comment donc ils arrivent à mentionner ou nier les attributs d'Allah en disant que s'ils affirment tel ou tel attribut selon ce qu'ils disent bien ça implique comme le disent les Jahmiyyah qu'il serait un corps ou un élément incident et qu'il serait créé donc ça c'est quelque chose de très important hein? Et il y a des détails à cette parole et de comprendre la façon dont le développement de la déviation de ces différentes sectes et de ces différentes positions au sujet des attributs d'Allah eh bien il faut comprendre ça comme il faut puisque tout ça ça découle de cette question et de cette affaire donc une fois que tu l'as compris comme il faut et que tu as compris la cause de leur division et la cause des différences entre les différentes sectes eh bien tu vas comprendre pourquoi les Mu'tazila ont affirmé trois attributs et pourquoi les Asha'ira ont affirmé sept et pourquoi les Maturidiyya ont affirmé huit et pourquoi les Karramiyya ont dit telle chose et les Salimiyya ont dit telle chose et les Murji'a ont dit d'autres choses et ainsi de suite tout ça c'est basé sur cet élément hein? Tout ça est basé sur cet élément Allah al-Musta'an donc on va s'arrêter pour aujourd'hui à ce point là puis on continuera au prochain cours يعني avec la parole de l'imam Abu Hanifa dans son livre Al-Fiqh al-Akbar ou Al-Fiqh al-Kabir Inch'Allah Subhanakallahu wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilayh Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in